Salut, c'est Yann. Vous êtes sur le point d'écouter le podcast Garage Wanderlust. Pour cet épisode de Garage, je tentais de répondre à la fameuse question « C'est quoi la meilleure moto d'aventure? » Ben oui, j'aime mouiller. Et je vais faire ça tout de suite là. Premier podcast Garage. Quelle question je pouvais répondre? Ou plutôt, de quoi ça me tentait de parler. J'ai dit, je vais y aller avec la question la plus simple. C'est quoi la meilleure moto d'aventure? Question hyper simple. J'aurais pu choisir une autre question aussi simple que c'est quoi la meilleure huile? À voir les milliers de pages qui s'accumulent sur les forums. Maintenant, on devrait arriver sur le point d'une réponse précise. Ou bien les pneus. Les pneus, ça c'est grave. C'est quoi le meilleur tailleur? je vais arriver avec une réponse à un moment donné. Là, je suis allé avec la plus facile. La meilleure moto d'aventure. Et là, j'ai une réponse à donner. Ben oui. Elle va être floue. Elle va être longue. Elle va être imprécise. Tout comme la question. Et parce que juste le terme moto et aventure, moto d'aventure, alors on est parti. On a, je l'ai long là. C'est quoi une aventure en moto? Moi, si j'embarque ma mère sur ma moto, puis je vais chercher une crème molle, je pense qu'elle est en train de vivre une aventure. On dit un ou une aventure. Il faudrait que je mette ça au clair. Tout ce qui commence à une voyelle, j'ai toujours de la difficulté, mais en tout cas. Parenthèse. Aventure, c'est féminin. On dit une aventure. Je continue. Ma mère, assise en arrière d'une moto, aller chercher une crème molle, pour elle, c'est l'aventure. C'est la pause de même. Donc, c'est ça que je disais. Tandis que moi, c'est une façon de passer du temps. Ma vision de l'aventure est un peu plus profonde. Quoique, non, je sais pas, j'ai vécu des aventures incroyables là, à 10 km de chez nous. 10 km, à revenir chez nous, de 10 km à pied, c'est une aventure, ça aussi. Mais... Parenthèse, on voit clairement que j'ai pas compris. Aventure, c'est féminin. J'ai encore utilisé le masculin. Désolé. Je continue. Aventure, moto. Ce qui est clair, c'est le terme moto. Le terme moto, la SAC considère que t'as une moto. Ça te prend un cours. Tu plaques une moto, t'as une moto. Dans le fond, viens-tu seulement exclure les spiders, moi? Je pense que oui. Là, c'est même pas un spider, il se plaque ça comme. Je pense qu'il plaque comme une moto, mais ça prend pas un coup. De toute façon, j'en aurai pas. Je vais me contenter de moto. Okay? Même un sidecar, une moto avec un sidecar, pour moi, c'est une moto. T'es assis dehors, tu plaques une moto. Le sidecar va t'apporter des opportunités différentes que si t'en as pas. Donc, pour moi, c'est ça. J'ai pas eu tout le temps eu cette opinion-là, par exemple. D'habitude-là, juste montrer comment c'est mêlant. Dans mes premières années de moto, je me disais, pour faire de la moto, faut que ça penche, faut que ça fasse des wells, faut que ça marche, faut que ça tire, ouais. C'est une mentalité motocross, même en ville. Fallait que tout marche. Pour moi, une moto, fallait que ça ait deux roues, puis ça comporte tous les dangers qui sont ensemble. Jusqu'à temps qu'un jour, en fin de journée, j'arrête de mettre de l'essence. J'étais dans le South Dakota. Je vois un monsieur qui était branché. C'est l'oxygène assis sur un trike. Un trike, c'est un Goldwyn 3 roues. C'est la seule chose qu'il était capable de rouler. Il était immatriculé de l'État de New York. Je suis impressionné. On est dans le South Dakota. Il est tout seul. Il n'y a personne d'autre. Je regarde tout seul, je vais le voir. Et de un, je veux absolument lui serrer la main. Chose que je fais qui m'amène à ouvrir la discussion avec. Et le monsieur me dit pendant cette discussion que lui avait promis qu'il allait finir sa vie assis sur une moto, mais qu'il ne pouvait plus avoir seulement deux roues parce qu'il y avait trop de choses à traîner. Qu'après ses deux infarctus, la seule moto qu'il était capable de rouler, c'était un trike. voir si moi j'allais être là puis l'estimer que rouler un tricycle c'était pas une moto. Non. Fait que dans ma tête maintenant, c'est. La moto, c'est un feeling. C'est. T'es assis dehors, tu vis les intempéries, t'as de l'air, t'as du vent. Ça penche. Dans mon cas, tant mieux, j'aime plus ça. Mais, ouais. Je me mets que des fois, je fais des journées entières d'autoroute, puis ça n'a pas penché une fois. Je suis quand même en moto. C'est pour ça que je dis que la moto, c'est un feeling. Je m'entendrai même pas sur le terme moto. Je suis même pas capable de dire Spider, c'est une moto. Finalement. Je sais pas. Anyway, c'est pas le but. La meilleure moto d'aventure. La meilleure moto d'aventure, ça va aller aussi avec le choix de la moto. C'est sûr que si ce qui amène quelqu'un vers la moto, c'est la couleur de la moto, ce qu'elle représente de la moto, ce que tu veux dégager, ton image de la moto d'aventure sera pas la même que si tu es un fan du Paris-Dakar. L'aventure dans ta tête sera pas la même. Puis c'est normal. Puis même si j'essaie de juger, je peux pas parce que je comprends un peu toutes les images d'aventure. Moi, la première chose, les premières images que j'ai eues qui m'ont porté vers la moto, c'est celle d'un film, bien sûr, qui était Easy Rider. Fait que quand j'étais jeune, pour moi, une aventure en moto, c'est ce que je voyais dans Easy Rider. C'était une grosse moto qui fait du bruit avec un look incroyable qui me permettait de voyager d'un bord à l'autre du continent. Fait que, je veux pas, c'est probablement que pour ça que dans mon album définissant, il était écrit qu'un jour vous allez me croiser sur le bord du Grand Canyon assis sur un fat boy. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, j'ai jamais eu de Harley-Davidson. J'ai plusieurs fois sur le bord du Grand Canyon, mais j'ai jamais eu de Harley-Davidson. Ce serait quand même un trip, ce serait un type d'aventure. Fait que c'est sûr que si mon idée, c'est de faire la route 66, de la façon la plus easy rider possible, je vais prendre une grosse cylindrée, puis dans ma tête, mon image de la moto d'aventure parfaite va sûrement être une moto qui va s'allier parfaitement à la route que je m'apprête à faire. Exemple, Harley-Davidson ou Indian sur la route 66. On va avoir une aventure. Mais si je m'aligne pour faire, exemple, la Trans-American Trail, de traverser du Tennessee à l'Oregon en empruntant le moins d'asphalte possible, ma vision de l'aventure sera pas pareille. La moto que je choisis, c'est pas pareil. C'est pour ça que, déjà là, la réponse, la meilleure moto d'aventure, va dépendre de c'est quoi la vision que tu as de la moto, puis de pourquoi tu fais de la moto. Et je sais pas qu'est-ce qui est venu avant. C'est l'image que tu as de la moto qui te fait choisir une moto, ou c'est ce que tu fais avec la moto qui te donne l'image. Pas si je suis clair. Je pense que les deux sont vrais. Mais dans mon cas, pour moi, c'est facile. Comment faire si tu dis, ouais, mais pour toi, là, toi, c'est quoi pour toi la meilleure moto d'aventure? Ben, de un, il faut que j'aille chercher mon principal intérêt, qui est le voyage. Et si je vais chercher aussi les images qui m'attirent le plus en moto, la moto est presque toujours sur la gravelle. C'est pas nécessairement des petits chemins serrés. C'est souvent des espaces interminables sur des chemins de gravelle. Pour moi, l'image parfaite, c'est exemple la Mongolie. Un chemin de gravelle interminable traversé par des rivières en plein milieu des steppes. J'en parle comme si j'y avais été. J'ai jamais été en Mongolie. C'est certain que je vais y aller. Mais c'est l'image que j'ai encore de la Mongolie. C'est ça. Donc, automatiquement, la meilleure moto d'aventure pour moi devient une double usage. Mais là, la double usage, c'est large. C'est large. Je peux avoir un double usage qui est aussi, sinon plus confortable qu'un Goldwing. Si je prends exemple un R1200 GS Adventure, tu peux pas débarquer de ça. Tu t'assis là-dessus, t'es parti. Là. Hey, je vais aller prendre un café à Los Angeles, je reviens, attends-moi. Là. C'est comment peux-tu débarquer d'une moto comme ça? Et aussi, tu peux avoir le côté pas mal plus sportif. Je dis pas que la GS est pas sportive, mais mettons que je vais me chercher un 690 Enduro pour voyager. Je verrais pas. Je suis un peu moins axé confort. Hein? Je suis un peu plus axé route serrée, mais trail. Tout se fait. Puis même, prenons exemple, un 1200 GS ou un 1250, toute la série BMW GS au complet, avec un système de suspension magique. Quand on va arriver sur des lacets, comme le Blue Ridge Parkway, Wow, quelle moto incroyable. Puis ce qui est le fun de cette moto-là, c'est que tu vas embarquer après ça sur un chemin de gravelle, comme si de rien n'était. Le seul moment que tu vas l'aimer un peu moins, c'est quand le chemin devient un peu plus serré ou devient un peu plus glissant ou bien avec des franchissements. Et elle a des forces, elle a aussi des faiblesses. Est-ce que c'est la meilleure moto d'aventure? Ben oui, si tu arrêtes, si tu connais ce que ça te tente de faire, oui. Pour moi, non. Parce que moi, j'aime ça un peu plus loin, plus ça venait serrer. Fait que dans ce type de moto d'aventure-là, donc je suis le type que plus que c'est serré, plus que c'est creux, plus que c'est complexe. Donc je suis plus de type petite cylindrée. Dans ma définition de la moto d'aventure parfaite, même si j'en ai plusieurs, ça va partir avec mon mental présentement, à l'heure que je vous parle. Ma moto d'aventure parfaite, c'est une moyenne cylindrée. Moyenne cylindrée petite, là. Là, c'est rendu qu'un 1000 cc, il y en a qui disent que c'est une moyenne cylindrée. Ouf! Et pour moi, 6,90, je sais même pas encore si je suis dans le moyen ou dans le gros, là. Parce que plus qu'on voyage, plus que le cylindrée diminue. Voyager en 400 cc, ça pourrait être une moto d'aventure parfaite. Un DR650 carburation. Pourquoi j'arrive là? Encore une fois, même ça. Même l'allumage, même la conception de la moto va venir influencer la moto d'aventure parfaite. Combien de fois j'ai lu que la moto d'aventure parfaite était le KLR? Une moto qui, depuis 1987, n'a pratiquement pas changé. Je pense que je suis capable de réparer un KLR avec une canne de V8 assise dans un camping. Elle va finir par partir. Tu peux pas passer à travers de ça. Parenthèse, des fois j'ai tendance à exagérer des choses. Pas sûr que je serais capable de réparer un KLR avec une canne de V8 dans les faits. Ben, je serais quand même capable de faire pas mal de pièces de KLR avec une canne de V8. Parenthèse fermée, je continue. C'est vrai, c'est une moto d'aventure parfaite. Mais si j'ai à me rendre rapidement à Los Angeles, non, je vais prendre un petit peu une plus grosse cylindrée, puis je vais avoir besoin. Même l'électronique va m'aider, question confort. Anyway, même le modèle de moto va venir influencer. Fait, si. Eh bien, je parle juste de moi, là. Hey, ça, c'est une multifacette, là. C'est à deux roues, j'aime ça. Et que ce soit le voyage en 530 cc avec le plus serré possible, que la moitié de la journée, je vais devoir débarquer de la moto pour la passer. Au voyage hyper confort, avec une super sport routière qui va me permettre d'accumuler 11, 12, 100 km par jour dans un confort nuptial. Oui, c'est toutes des aventures. Mais non, non, pour moi, c'est moyenne cylindrée. Oh, oui, c'est clair. Pourquoi? Ben, moyenne cylindrée ou grosse cylindrée, il faut. Là, je pense que je vais aider un peu sur le choix de la cylindrée. C'est assez profond. C'est un peu. Je vais ramener à mon monde de l'escalade avant. En escalade, on dit light and fast or heavy and slow. Je pense que c'est un peu pareil en moto. Moi, si je pars à moto et mon objectif, c'est de faire la tate sans trop visiter, seulement rouler pour rouler. Donc, traverser la Trans-American Trail à un rythme assez soutenu. Je vais limiter mon équipement. Je vais aller le plus léger possible. Je vais être là, light. Ma moto parfaite va être je vais aller avec un 650. Bon, j'ai dans ma tête mon 690 parce que je fais à peu près la même chose avec mon 690 puis mon 530. Mais mon 690 demande beaucoup moins d'entretien pour une distance comme ça. Si on me demande d'aller monter en plein milieu de nulle part, ça va être mon 530. Juste là. Même la grosseur pour l'aventure, ma moto va être en choix. Heavy and slow. Ça aussi, c'est le fun. Ben oui. Arriver le soir au camping, capable de se faire des côtes levées sous le feu, assis confortablement dans une chaise de camping. Hey, c'est rendu avancé, là. Une chaise de ça, c'est gros comme rien. Ça a la grosseur d'un t-shirt. Tu déplies ça, t'es assis aussi bien que dans un lazy boy dehors. Et ça, c'est tout ce confort-là. Même si t'arrêtes de rouler à 4 h l'après-midi, tu vas pas vite, t'es slow. Ben, le matériel qui vient avec, ce confort-là d'être assis dehors et que tu as besoin, mais j'irais pas mettre ça. Je vais essayer de m'y approcher des fois quand je voyage avec mes petites cylindrées. Mais ça sera jamais comme voyager avec une grosse cylindrée. Hey, je force pas, tout est là, le pouvoir est là, ainsi de suite. Il n'y en est pas. Lequel j'aime le plus, sincèrement? Sincèrement, je ne sais pas. C'est un instant de feeling. Non, je pense que j'aime vraiment le plus creux possible. Donc, double usage, moyenne cylindrée. Le plus simple. Marie-Noël, elle voyage toujours avec sa BMW F650 GS, à moteur Rotax, je suis certain qu'il pourrait passer facilement à travers une attaque nucléaire, seul, sans briser. C'est incroyable, ce bike-là. Ok, ça brise, oui, ça brise, mais jamais de grosses réparations. Un petit fil qui a botté, une petite valve qui a bougé, mais rien de difficile à faire, là. Quelle moto? On s'entend par exemple qu'au niveau accélération, je mets pas la roue avant en orbite souvent. C'est pas le but, c'est pas l'objectif. Mais quelle moto? Donc, ouais, je sais pas si j'ai répondu à la question. J'aurais finalement dû prendre l'huile. Je pense que ça aurait été plus facile. Je pense que j'avais compris le sarcasme. Il n'y en a pas de réponse. Il n'y en a pas. C'est que ça l'aille de ton intérêt, de ton image, de ce que tu as, ce que tu veux faire. L'important, c'est si la moto est adaptée à ce que tu as le goût de faire, tu as sûrement la bonne moto. J'ai peut-être une formule. Plus que ta moto va être mésadaptée à ce que tu veux en faire, plus que l'aventure va être grande. Exemple. Si je veux aller traverser. Je vais faire le tour du monde en Honda Goldwing, en passant par le chemin de gravel, et ainsi de suite. Ça se fait, il y a rien qui l'a fait. Mais, ouf, c'est une aventure en soi. C'est quelque chose. Ça va être, ouais, le type d'aventure, je pense, c'est à peu près la même moto. Mais si mon but, c'est d'aller traverser. Non, il n'y a pas d'autre but. C'est ça le problème. C'est que même moi, je me perds quand c'est le temps de dire c'est quoi la meilleure moto. En tout cas, c'est ça ma conclusion. La meilleure moto, ça va aller directement avec ce que tu es, ce que tu veux faire. Puis même ajouter à ça ce que tu as déjà fait. Après ça, avec l'image que tu as, il n'y en a pas. Si quelqu'un te dit, achète-toi ça, t'en as besoin. Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Parce que je me méfie tout le temps des personnes que la meilleure moto, c'est la leur. Parce que dès qu'ils changent, ça change déjà. Fait que tant mieux. Ils aiment ça, les motos. Ils aiment vraiment la moto. Mais je me fierai jamais sur eux autres pour décider. De toute façon, je me fie pas sur grand monde. J'ai tout le temps des idées un peu bizarres. C'est pour ça que je me suis fait ma propre. Je l'ai. La meilleure moto d'aventure, c'est la mienne. C'est celle que je me suis modifiée. C'est probablement la tienne aussi. Si tu me l'as prêté, laisse-moi une semaine, puis je vais trouver que c'est la meilleure. On s'entendra jamais. Ouais, c'est ça. Fait que choisis la moto que tu veux. Pars à l'endroit que tu veux. Mais le plus important, c'est ride far, puis surtout, fais de la moto. Ciao, bye.